Alors, Bernard, j'avais préparé un paquet de questions pour une fois. Puis je n'ai pas pu les poser. C'est un peu comme on est sur la place ici de la Ligue nationale d'improvisation. Mais ici, on est avec la Ligue universelle d'improvisation avec Bernard. Et puis, il faut se mouler donc à ce qui sort au fur et à mesure que ça sort. Alors, on parlait tout à l'heure des mondes invisibles, de la médiumnité, des clairvoyants, etc. C'est un sujet qui passionne tout le monde. Mais comment se fait-il que les clairvoyants, par exemple, rapportent des jugements et des conceptions des mondes invisibles tellement différents qu'il n'y a plus possibilité de concilier leur dire? Comment ça se fait, ce phénomène? Parce que les clairvoyants sont des médiums. Ce sont des hommes, des femmes, qui ont une très grande sensibilité, qui ont une résonance vibratoire qui les met en contact avec ces mondes parallèles. Et puis, les hommes, sur notre planète, au stade où nous en sommes rendus dans l'évolution, les hommes ne connaissent pas les lois de ces mondes invisibles. Les hommes ne réalisent pas comment fonctionnent les mondes invisibles, quelles sont les lois du pouvoir de ces mondes-là. Nous avons de la difficulté sur la Terre à comprendre la mécanicité des gouvernements à l'échelle mondiale. Alors imaginez-vous que nous avons encore beaucoup plus de difficultés de comprendre la mécanique de ces forces, de ces intelligences, de ces entités qui évoluent dans les mondes parallèles après la mort. Et pour que l'homme voit, pour que le clairvoyant, moi j'ai beaucoup d'admiration pour les clairvoyants, j'ai beaucoup de sympathie pour ces gens-là, parce qu'être clairvoyant, c'est pas un cadeau. Pour que l'homme comprenne ce qui se passe dans les mondes parallèles, il faut qu'il ait lui-même accès à une intelligence qui est au-dessus de ces mondes-là. Et non pas une intelligence qui est assujettie à ces mondes-là. Si un homme vit à travers son intuition des communications télépathiques, médiumniques avec les mondes parallèles, il n'a aucune façon de vérifier ce qu'il y a. Il n'a aucune façon de vérifier ce qu'on lui dit. Il n'a aucune façon de vérifier rien parce que il est encore prisonnier de la polarité de la vérité. Donc, et encore pire, parce que il existe dans la réalité des mondes invisibles ce que j'appelle le mensonge cosmique. Qu'est-ce que c'est le mensonge cosmique? Le mensonge cosmique, c'est un voile qui s'impose, qui est imposé sur tous les hommes de la Terre vivants, et ce voile ne permet pas à ces hommes-là d'avoir accès à la réalité. Ils ne peuvent avoir accès qu'à une forme de vérité astrale. Et cette forme de vérité astrale fait partie de la communication entre le plan mortel et le plan de ces entités, et l'homme ne possède pas de moyens, d'outils permanents, absolus, qui puissent contester les vérités qui sont projetées à travers son mental sur le plan matériel. Pour qu'un homme, bon, je vous donne un exemple. Supposons, par exemple, qu'il y avait dans la salle un médium. Hein? Bon, le médium, il est là. Et moi, je parle à une entité sur les plans avec lequel ce médium est en communication, et le médium reçoit de l'information. Comment voulez-vous que moi, en tant qu'homme, si je ne suis pas dans mon intelligence individualisée, si je ne suis pas parfaitement équilibré dans l'intuition qui l'astrale, la raison et cette autre partie de mon être, qui est la conscience éthérique, comment voulez-vous que je puisse contester ce qu'on me dit? Donc, je vis ou je vivrai une programmation vis-à-vis ce médium, que lui vivrait et que moi vivrais en fonction de, ces informations venant de temps parallèle. Et ceci, c'est extrêmement dangereux. C'est de l'intoxication. C'est de l'intoxication. Et si vous regardez les gens qui reçoivent de l'information à travers ces plans, au début, pour eux, c'est toute une révélation. Regardez l'activité, regardez la joie de découverte que font les jeunes qui commencent à découvrir la fonction psychique du Ouija board. Pensez-vous que si l'on veut communiquer avec vous, pensez-vous que l'on va vous mentir au début? Non. Au début, on va vous dire des vérités ou des demi-vérités, on va vous attirer. Ah, on va vous dire des choses que vous ne savez pas, que vous savez que vous ne savez pas, et des choses qui sont en dehors de votre temps, et ainsi de suite, pour faire un lien avec vous. Mais une fois que le lien, il est fait, à ce moment-là, on vous a. Et ça, c'est une des lois fondamentales du monde astral. Moi, je connais une personne. Je connais une personne qui aimait beaucoup sa mère. Sa mère, elle est morte. Et pendant 3-4 jours, après le départ de sa mère, cette personne a été extrêmement liée à elle sur le plan télépathique, sur le plan interne. Et elle ne pouvait plus dormir, et ainsi de suite. Et ça s'est donné que je pouvais la voir. Alors je lui ai demandé des questions pour que sa mère réponde, pas elle. Je lui ai demandé des réponses, des questions que l'homme ne peut pas savoir à partir de l'intellect ou de l'intuition. Et J'ai dit, demande à ta mère si elle t'aime. Parce que sur le plan matériel, ils avaient de bonnes relations, ils s'étaient aimés. Et j'ai dit, demande à ta mère si elle t'aime. Et j'ai dit, assure-toi, quand tu me réponds, de me répondre après avoir reçu la réponse dans le mental. Attends que la pensée vienne et ensuite tu me le dis. Parce que si tu me le dis à travers la bouche, tu vas colorer la réponse. Alors j'ai dit, demande si elle t'aime. Et la première réponse qui est venue, et qui lui a donné un choc, c'est que ce n'est pas le temps de parler de ça. Ensuite, je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que elle t'aime? Il faut qu'elle te donne une réponse tout de suite. Sinon, moi je m'en vais. Et la réponse, elle est venue, pas comme tu penses. Alors j'ai dit, pourquoi ta mère ne t'aime pas comme tu penses? Et elle a eu comme réponse, parce que notre monde n'est pas le monde de l'homme, nous n'avons pas d'émotion. Alors j'ai poursuivi, j'ai dit, si vous n'avez pas d'émotion, est-ce que vous pouvez aimer l'homme? Et elle m'a répondu, non. Alors j'ai dit, quelles sont ces activités vis-à-vis de l'humanité que vous faites où il y a une apparence d'amour pour l'homme? Et elle a répondu, c'est une déviation de la vérité. C'est toujours une déviation de la vérité afin que nous puissions établir un contact avec l'homme pour que le pouvoir astral sur l'homme soit établi jusqu'à ce que l'homme devienne libre. Autrement dit, ça fait partie. Et ça, je le ferai un jour, même probablement en public. J'amènerai quelqu'un en public qui est très, très notoire dans le monde en tant que médium, qui est très respecté, qui est très spirituel. Et je démontrerai en public qu'il est impossible à un être humain de recevoir de la vérité absolue à partir des plans astraux. Parce que les plans astraux sont des plans qui sont dominés par ce que nous, les hommes, encore en relation avec notre connaissance biblique, initiatique, occulte, les plans astraux sont contrôlés par des forces lucifériennes. Et quand je dis des forces lucifériennes, je ne le parle pas dans le sens du mal que nous connaissons sur la Terre. Je le parle dans le sens d'une domination. Les plans les plus bas et les plans les plus hauts dans l'astral sont contrôlés par les forces lucifériennes. Et les forces lucifériennes ne sont pas des forces du mal dans le sens que nous le comprenons. Ce sont des forces d'involution. Leur énergie va vers la Terre pour la cristallisation de la forme. Donc, ces forces allant vers la Terre pour la cristallisation de la forme, à partir des temps invisibles jusqu'à la matière, automatiquement, nous les hommes, nous sommes obligés de vivre l'aveuglément. Et l'aveuglement, c'est la manifestation de ses forces. Donc, l'aveuglement, c'est la source de l'ignorance. Donc, c'est la source de la souffrance de l'homme. Donc, c'est la source de l'expérience de l'homme. Donc, c'est la source de l'évolution de l'homme. C'est pourquoi nous ne pouvons pas parler des forces luciférienne comme étant des forces du mal dans le sens moral judéo-chrétien dont nous avons l'habitude d'en parler. Ces forces sont des forces qui vont vers la terre, et il y a des forces qui partent de la terre et qui retournent vers l'infinité. Et ça, ce sont les forces du nouveau cycle. Donc l'homme doit apprendre en tant que clairvoyant à être plus clairvoyant, plus intelligent que les entités avec lesquelles il est en communication. Et à partir du moment où l'homme aura appris à contester les formes pensées qui lui viennent à partir de ses plans, c'est à partir de ce moment-là que l'homme commence à entrer dans son intelligence. C'est à partir de ce moment-là qu'il commence à déchirer les voiles, c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à entrer dans l'initiation solaire, et qu'il commence réellement à toucher du doigt ce que j'appelle l'intelligence humaine, planétaire et cosmique. Et c'est là que la formation du triangle se fait. Mais tant que l'homme est assujetti par attitude à un scénario de croyance, nous sommes sur le plan matériel, nous nous faisons jouer des tours parce que nous croyons les hommes. Imaginez-vous les tours que nous pouvons vivre si nous croyons des entités. Parce que dans l'ordre cosmique, il y a trois états d'être. Il y a l'être, il y a l'homme, il y a des entités, et il y a des intelligences, c'est pas pareil. Une entité, c'est une personne, c'est un personnage qui a déjà été un homme. Et il y a par-dessus ça des intelligences, c'est-à-dire des forces qui sont cosmiques, qui font partie soit d'un rayon ou d'un autre, et qui ont le pouvoir, qui ont la fonction créative dans le cosmos, d'établir une relation étroite avec les plans inférieurs qui ont été créés. Et les plans inférieurs qui ont été créés et qui sont les plus évolués sont sur notre planète représentatifs de l'être humain. Donc l'être humain est un enjeu pour ces forces. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, nous entrons dans une phase que nous pouvons appeler la fusion, c'est-à-dire l'union. L'union entre la lumière de l'homme et son ego. L'union, l'interpénétration de toute la conscience humaine, la fusion, l'unitisation de l'homme. Et ça, c'est ce que l'initiation solaire va produire sur la Terre au cours des 2500 prochaines années. Mais avant ça, l'homme ne vivait pas la fusion. Il vivait l'indoctrination, la programmation. La programmation, elle était nécessaire pour le développement de son cerveau, pour le développement de ses émotions, pour le développement de son corps astral, son corps émotionnel, son corps mental inférieur. Maintenant, l'homme est arrivé à un stage de parfait développement. L'homme, il est prêt à absorber, à vivre de la manifestation créative de son troisième cerveau. D'où le phénomène de la fusion. C'est pourquoi il ne peut plus, l'être de la nouvelle évolution, se permettre de croire. Il faut qu'il sache. Moi, si je vais voir un clairvoyant, c'est évident que les entités qui vont parler à travers cette personne, me connaissant, elles vont, ces entités, lui donner du matériel qui coïncide avec la réalité des événements, parce que moi, je vois à travers la clairvoyance de ces hommes. Et si ces entités essaient de me blaguer, pour ainsi dire, je vais automatiquement travailler contre eux. Donc, je vais couper le lien entre eux et l'homme, et ça ne fait pas leur affaire, parce que ça détruit leur pouvoir. Et c'est pourquoi, dans le monde astral, dans le monde occulte de l'astral, ma personne humaine et ma personne universelle n'est pas aimée, elle ne peut pas être aimée, parce que je trouble. Et je troublerai tant que je serai en voie d'évolution de travail, parce que ça fait partie de la remontée de l'homme vers sa liberté. Alors avant la fusion, on a vécu une espèce d'infusion. Avant la fusion, nous vivons l'infusion, exactement. Bon, mais votre expérience à vous personnelle de fusion instantanée, est-ce qu'elle est valable pour nous autres qui avons un cheminement à faire, vous parlez de fusion, mais progressive pour nous. Mais lorsque vous parlez, lorsque vous vous adressez à nous, c'est un peu comme si on était des nageurs au bord d'un lac, sur une rive, et puis qu'on était en train de, d'y aller de nos suppositions sur la température de l'eau, sur la profondeur, sur la faune qui l'habite. Et puis vous allez traverser le lac, vous allez nager jusqu'à l'autre rive, faire un aller-retour et revenir. Les plus courageux, ou les plus téméraires, ou les plus avancés dans cette fusion progressive vont essayer de vous suivre. Ils vont faire quelques brasses, vont se jeter à l'eau, vont faire quelques brasses, ils seront bien obligés de revenir sur la rive parce qu'ils n'ont pas, comme vous, la fusion instantanée, c'est-à-dire des bouteilles d'oxygène, des palmes, un masque et un tuba. Oui, mais la fusion, la seule raison... Moi, je ne souhaite pas la fusion à personne. La fusion, c'est terrible, parce que dans la fusion, l'homme vit une intégration instantanée de son être, donc c'est terrible comme expérience. La perte du mémoriel, la perte de la faculté de penser, la perte de ci, la perte de ça, la dépersonnalisation, c'est terrible la fusion. La fusion, elle a été nécessaire parce que en 69, il fallait que l'homme puisse savoir. Donc, à partir du moment où l'homme peut savoir, nous pouvons prendre tout le temps dont nous avons de besoin pour évoluer. Mais il faut qu'il y ait sur le plan matériel des connaissances, de la connaissance, qui n'est pas contestable à partir de l'astral. Donc la fusion, dans mon cas, elle est simplement une nécessité cosmique, elle fait partie de mon plan de vie, elle fait partie de ma descente sur le plan matériel pour le travail que je fais dans le monde, mais ce n'est pas une situation qui est nécessaire pour tous les hommes. Les hommes, d'ailleurs, tous les hommes sont fusionnés. Les hommes sont fusionnés à différents degrés, mais les hommes vont fusionner à un degré beaucoup plus élevé au fur et à mesure où ils vont comprendre que leur pensée, ce qui fait partie de leur mémoriel, ce qui fait partie de leur conscience subjective, de leur mental inférieur, c'est du matériel qui est du matériel programmé. À partir de ce moment-là, les hommes vont commencer lentement à voir à travers cette jungle, et un jour, l'homme en arrivera à pouvoir sentir par lui-même qu'il sait. Il va pouvoir commencer à savoir par lui-même. Mais pour que ceci se fasse, il faut que quelqu'un, quelque part dans le monde, souffre cette fusion. La souffre pendant des années pour que, éventuellement, le contact soit absolument étanche. Pour qu'il n'y ait plus d'influence possible dans le mental humain, parce que moi, en tant qu'homme et en tant qu'individu, je représente aussi l'humanité. Donc, pour qu'il n'y ait pas d'influence dans le mental humain, et pour que l'homme aille chercher directement à sa propre source, qui est universelle, les ingrédients nécessaires pour la compréhension des lois de l'invisible. À partir de ce moment-là, il y a une instruction qui se diffuse, il y a quelque chose qui devient de plus en plus compréhensible, et l'homme commence à entrer lui-même dans sa propre initiation, il commence à... il commence à voir, il commence à comprendre, il commence à savoir, et l'évolution se fait. Que l'évolution prenne 2500 ans, c'est pas long, mais que l'évolution se fasse, c'est important. Mais où vous êtes-vous procuré les bouteilles d'oxygène? Certainement pas chez Jean Coutu, d'une façon pragmatique. Comment ça s'est déroulé, cette fusion-là? On l'a jamais su. Chaque être humain sur une planète, à un niveau d'évolution. Moi, j'ai le mien, vous avez le vôtre, telle personne a le sien. Nous avons un niveau d'évolution, et lorsque nous sommes dans l'invisible et que nous décidons, pour une raison ou une autre, de revenir sur une planète pour faire un certain travail d'évolution, nous le faisons, mais nous le faisons si nous pouvons le faire, si nous voulons le faire. Rien. Les initiés ne viennent pas sur une planète parce qu'ils sont forcés, ils viennent sur une planète parce qu'ils ont des raisons qui leur sont propres en tant qu'esprit de le faire. À ce moment-là, ils font un travail et ils reconnaissent, ils comprennent ce travail lorsque la fusion se fait. Un homme ne peut pas reconnaître sa conscience tant qu'il ne vit pas la fusion. Les initiés doivent vivre une fusion quelque part pour reconnaître leur conscience, pour reconnaître leur activité, pour reconnaître ce qu'ils ont à faire, ainsi de suite. Mais lorsqu'ils vivent cette fusion, ils revivent dans un instantané un contrat qui a été formulé avant la mort, et qui se formule lorsqu'ils sont dans la matière. Donc, un initié n'a pas de mérite. Un initié n'a pas... Même si un initié a beaucoup de connaissances ou qu'il a accès à beaucoup de connaissances à cause de cette fusion, il n'a pas de mérite égoïquement. Ça fait partie de sa vie. Pour moi, être ce que je suis, c'est aussi normal que pour l'homme de ne pas l'être. Mais l'homme doit le devenir graduellement au cours de l'évolution parce que ça fait partie du développement de l'identité de l'homme. L'homme doit découvrir son identité un jour parce que les forces lucifériennes ont fini sur la planète Terre, éventuellement dans un cycle qui vient, le contrôle et la domination de son évolution. L'homme, au cours du 21e siècle, 22e siècle, pourra travailler avec des intelligences qui viennent d'autres planètes. L'homme sera dans son intelligence. Il aura le pouvoir de la parole. Il pourra transformer la matière. L'homme sera totalement neuf. Il sera un surhomme. Il ne sera pas régi par les lois planétaires. Donc, cette fusion, aujourd'hui, elle sert à ouvrir un tracé dans cette forêt de l'humanité, dans cette forêt de l'inconscience de l'homme, dans cette forêt du rationalisme, dans cette forêt de l'intuition, pour que l'homme sache que tous les hommes savent, mais que leurs connaissances sont bloquées par toutes sortes de mécanismes internes qui font partie de leur intuition et de leur mental, de leur personnalité, de leur subjectivité, de leur caractère. Et lorsque ces hommes qui sont prêts à aller plus loin dans l'évolution, ils sont marqués, ils sont dans le monde, ils font partie de différents peuples, de différentes races, et ces hommes iront vers leur propre destinée. Pourquoi est-ce qu'on n'entend jamais ou très rarement parler de femmes initiées? Quel est le rôle de la femme dans l'initiation? Nous ne parlons pas de femmes initiées dans le sens que nous ne parlons pas de femmes qui ont dans le monde un rôle initiatique à l'échelle mondiale. Parce que aujourd'hui, la femme n'est pas prête. Mais il y aura, dans l'avenir, il y a sur d'autres planètes des femmes initiées, mais ce ne sont plus des femmes initiées dans le sens que nous le concevons, ce sont des femmes sciences. Nous ne disons pas des femmes scientifiques, nous disons ce sont des femmes sciences. Mais ces femmes ont déjà atteint un niveau de conscience supérieur qui est la même que celle de l'homme. Mais dans notre civilisation, pendant l'évolution, la femme, pour toutes sortes de raisons valables et invalables, la femme a été assujettie. Et ce qui a été utilisé contre la femme, ça a été son émotivité. Et la relation entre son émotivité et sa sexualité. Mais ceci va changer à partir du moment où la femme va se conscientiser. Et au cours de l'évolution, il y aura des femmes, ce ne seront pas nécessairement des femmes dans notre cycle d'évolution qui seront reconnues comme des initiées à l'échelle mondiale, mais il y aura des femmes dans le monde qui auront la même portée au niveau de la parole que les hommes. Donc le fait de la femme, cette fameuse question de la femme qui revient toujours, c'est une question qui a une réponse, et la réponse c'est que la femme avait un très grand rôle pendant l'évolution. Et à part du rôle purement créatif qu'elle avait, la femme, elle avait le rôle d'empêcher que l'homme évolue trop rapidement. Si l'homme avait évolué trop rapidement pendant l'évolution, l'homme serait arrivé, à cause de la nature de son esprit, à la formulation sur la terre d'une sorte de gouvernement purement mâle. Donc la femme avait une fonction d'arrêt, de contrôle. La femme, elle est extrêmement importante dans l'équilibre des forces cosmiques sur la Terre. Mais la femme, elle, ne réalise pas qu'elle est différente de l'homme. L'homme est différent de la femme et les deux sont égales en esprit. Les deux sont différents en intuition, les deux sont différents en rationnel, parce que la programmation a été différente. Mais en esprit, la femme, elle est égale à l'homme. Et lorsque les femmes auront réalisé ceci, c'est parce qu'ils avanceront dans leur propre conscience, et à partir de ce moment-là, le rôle de la femme sur la planète Terre changera. C'est-à-dire que la femme deviendra libre de l'homme, elle deviendra libre comme l'homme, et l'homme, à ce moment-là, sera en harmonie avec elle parfaite, parce que son esprit et celui de la femme sera unifié dans une conscience qui est universelle, au lieu de posséder un esprit qui est relié au sien à travers des aspects astraux qui font partie de l'évolution. Bon, mais l'homme qui se conscientise, la personne initiable ou en voie d'être initiée, traverse nécessairement des épreuves qui atteignent toujours le point où il est le plus vulnérable. Ça touche toujours à ses faiblesses, ça va toujours au maximum de sa tolérance, de ses limites. Est-ce que la femme, à ce moment-là, n'a pas un rôle à jouer dans le couple, peut-être? La femme a un rôle extrêmement important sur le plan initiatique mondial de la nouvelle race racine. L'homme, un jour, je parle du nouvel initié, le nouvel initié, un jour, sera obligé, de par les lois vibratoires de sa propre conscience, il sera obligé, un jour, de finalement être capable d'écouter sa femme sur le même plan qu'elle. L'homme aujourd'hui, l'homme de l'évolution n'écoute pas sa femme. Il écoute sa femme si elle le menace de partir, ensuite il n'écoute plus. Ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de l'inconscience. Mais je parle de l'homme nouveau. L'homme nouveau apprendra à écouter sa femme parce que sa femme sera la personne dans la vie du couple initiatique, de ce nouveau couple initié, ce sera la femme. Là, je parle en général. Dans d'autres cas, ce sera l'homme. Mais dans le cas général, ce sera la femme qui sera responsable pour l'arrêt de l'initiation. C'est la femme qui mettra fin à l'initiation parce que, et ça va vous sembler très particulier, parce que la femme, elle est plus intelligente que l'homme. D'intelligence pure. La femme, elle est plus près de son intelligence pure que l'homme parce que le pouvoir n'a pas été donné à la femme pour l'évolution, il a été donné à l'homme. Le pouvoir a été donné à l'homme pour que se construisent sur la terre les conditions nécessaires de la souffrance évolutive. Si le pouvoir avait été donné à la femme, nous n'aurions pas souffert sur notre planète des mêmes conditions que nous avons souffert. Parce que la femme, psychiquement, physiquement, n'est pas constituée pour créer sur la planète un désordre à la hauteur et à l'échelle que l'homme peut le faire. C'est pour ça que je dis la femme est beaucoup plus près. La femme est beaucoup plus près de son esprit que l'homme. Et lorsque l'homme prend contact avec son esprit, il a non seulement le pouvoir de son antécédent, c'est-à-dire non seulement le pouvoir de son évolution, mais en plus, il a le pouvoir initiatique. Alors imaginez-vous s'il peut faire du chemin le bonhomme. Si la bonne femme ne lui dit pas, écoute, arrête là, c'est final. Le bonhomme va souffrir pour le restant de ses jours. Parce que l'homme n'est pas raisonnable, tandis que la femme, elle est raisonnable. L'homme, il a été investi avec un pouvoir de suprématie sur la terre pour des raisons d'évolution nécessaires, afin que se construise sur la terre une pyrénée de souffrance, créant des modèles d'âmes servant avec les avenirs et avec les millénaires à la création d'un modèle humain plus perfectionné. Mais c'est la femme, c'est à la femme que revient le droit et le pouvoir de cesser l'initiation humaine et de rendre à l'homme son intelligence qu'il a perdue lorsqu'il a assumé le rôle adamique au début de l'évolution. Donc la femme, elle est beaucoup plus près de son esprit que l'homme. C'est pourquoi que je dis que la femme est beaucoup plus intelligente dans la subtilité de sa conscience que l'homme. Et que l'homme est beaucoup plus intelligent dans le concret de sa conscience à travers son rationnel. Mais les deux, un jour, doivent s'unir dans cet esprit, autrement dit, dans l'activité créative de ce troisième cerveau qui fait partie de l'activité naturelle de l'homme, pour parfaitement créer un couple à l'intérieur duquel existe une luminosité parfaite ou à l'intérieur duquel n'existe. Ne sont pas réels. Il doit arriver à contester les formes pensées qui ne sont pas réelles, qui viennent soit par la clairvoyance, l'intuition, ou qui flottent dans son cerveau. Est-ce qu'on peut, par force de volonté, changer, par exemple, les données d'un thème astrologique? On peut changer les données d'un thème astrologique si on est suffisamment intelligent pour y voir les failles. Dans tout thème astrologique, il y a des probabilités. Et les probabilités font partie de la programmation. Et la programmation fait partie du pouvoir planétaire qu'ont des entités sur l'organisation psychique de l'homme pour son évolution. Autrement dit, c'est toujours à travers l'âme, c'est toujours à travers la mémoire que se traitent ces thèmes d'astrologie. Pour que l'homme en arrive à dépasser des conditions astrologiques ou vivre des événements qui ne sont pas astrologiquement remarquables, il faut qu'il soit dans son intelligence, c'est-à-dire qu'il faut qu'il possède une volonté intégrale, une intelligence intégrale et un principe d'amour intégral. Autrement dit, il faut qu'il soit suffisamment avancé en conscience pour être toujours vibratoirement conscient dans sa vie. si l'homme devient psychologiquement conscient, si l'homme devient intuitivement conscient, il perd sa conscience. Si l'homme demeure vibratoirement conscient, à ce moment-là, il maintient sa conscience et ses thèmes sont les faits. Certaines personnes ésotériques ou mystiques affirment qu'on peut être initié pendant le sommeil. Qu'est-ce que vous pensez? On peut être initié pendant le sommeil sur le plan astral, mais ça c'est de la vacherie. Se faire initier pendant le sommeil sur le plan astral, ça fait partie encore du travail de connexion qui lie tel individu à telle entité sur le plan astral. Autrement dit, si quelqu'un vient dans la nuit et vous initie sur le plan astral, c'est qu'il y a une connexion entre vous et cet être-là. C'est ça l'initiation. Il vous initie, effectivement, parce qu'il y a une connexion entre vous et lui. Il y a un karma là. Il y a quelque chose que vous avez à dépasser, parce que dans la passé, il y a eu quelque chose. Donc, se faire initier dans le sommeil, c'est de l'insulte. C'est une insulte à l'homme. C'est anti-intelligence, mais c'est très pro-évolution. Mais l'initiation dans le sommeil, elle a une fonction. C'est qu'elle prépare l'homme le jour à reconnaître des faiblesses dans la calculologie de sa conscience animale. Autrement dit, elle prépare l'homme à réaliser des faiblesses dans son émotivité. Donc, elle prépare l'homme à réaliser des failles dans sa spiritualité. Donc, elle prépare l'homme à se libérer finalement de ces entités qui font un travail d'initiation sur l'autre plan. Mais l'homme qui se réveille le lendemain, qui vit ses initiations, un jour, il doit réaliser que chaque fois qu'il se fait initier sur le plan astral, c'est qu'il n'a pas compris et réalisé parfaitement l'illusion de ceci. Et que pensez-vous, enfin, vous qui ne pensez pas, en tout cas, que pouvez-vous dire de la parapsychanalyse, cette nouvelle science là qui tente de résoudre les problèmes posés par la psyché au moyen de techniques hypnotiques ou dites alpha-genèse en remontant dans les vies antérieures? Est-ce que vous pensez que cette science-là a un avenir ou une certaine efficacité? Toutes les sciences, je vous le dis expérimentales, vous dites expérimentales, elles ont un avenir, mais elles ont un avenir en tant que science. Vous comprenez? Non. Non. Elles ont un avenir en tant que science dans le sens qu'il y aura des hommes qui feront avancer cette science. Et éventuellement, cette science sera suffisamment avancée pour créer des résultats très très concrets. Mais ce temps-là n'est pas arrivé. Mais en attendant, cette science ne donne pas à l'homme de la conscience, mais elle permet à l'homme de retrouver un équilibre entre son intuition et sa raison. Donc ces sciences sont bonnes, mais ce n'est pas de la conscience. C'est un équilibre temporaire que ces sciences permettent de redonner à l'homme à l'intérieur de sa polarité. Mais l'homme doit passer de la polarité un jour à la conscience. Vous vous imaginez un homme conscient qui irait voir un psychanalyste ou un psychiatre. Il est évident qu'avec le temps, le psychiatre et le psychanalyste seraient obligés de vivre une initiation. Vous comprenez? Parce que l'homme conscient connaît le psychiatre, il connaît le psychanalyste, il connaît les failles, il connaît l'âme, il connaît la mémoire, il connaît le mémoriel, il connaît l'intuition, il connaît la raison, il connaît les conflits, il connaît tout. Donc à partir de ce moment-là, le psychologue aurait quelque chose à apprendre. Mais dans un contact avec un homme tel que ceci, il pourrait découvrir des choses qui pourraient l'amener éventuellement à donner à sa psychanalyse, à sa psychiatrie, mais parlons plutôt de psychanalyse, il pourrait donner à sa psychanalyse de la vitalité, quelque chose de neuf. Les psychanalystes sont des gens très très intuitifs, mais ils ont besoin de nouveaux souffles de vie. Et lorsqu'ils auront découvert ce souffle de vie, ces gens-là pourront faire de très grandes choses sur le plan de l'harmonie entre l'intuition et la raison. Mais ça fera toujours partie de la conscience collective de l'homme. Ça fera toujours partie de la normalisation de l'homme à l'intérieur de la conscience collective. Tandis que dans le cas de l'homme nouveau n'est pas intéressé à être normal. Il est intéressé à être bien. Bon. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas normal, mais il est tellement normal qu'il n'est plus normal. Vous comprenez? Moi, je suis tellement normal que je ne suis plus normal. Mais je peux tellement jouer le jeu d'être normal que j'apparais normal. Est-ce qu'il y a des dangers sur la route de cette acquisition de conscience supramentale? Il y a des gens très aventureux comme Nietzsche, par exemple, le grand philosophe, qui entre autres disait « Dieu est mort et les églises sont le cercueil de Dieu ». Et qui s'est aventuré à aller jusque en reconnaissance du plérôme, c'est-à-dire l'approche de la divinité trimunitaire, Dieu le Père, le Fils, l'Esprit, dans sa manifestation de volonté, d'intelligence et d'amour, là, avec certains exercices qui sont aujourd'hui en pratique dans les écoles initiatiques, par méditation sur ces symboles-là qui représentent la triunité, là. L'Ein Sofour, par exemple, des kabbalistes. L'Ein Sofour, c'est le vide, c'est le néant, c'est l'incréé, c'est le rien ou la négativité de Dieu sans forme, sans limite. Et des gens comme Nietzsche ont été jusqu'à explorer le stade ultime, absolu de l'incréé, de l'innommable, que les kabbalistes appellent l'Ein, c'est-à-dire ce gouffre, cette horreur de néant, comme certains le disent, et c'est là que Nietzsche a perdu l'esprit. Nietzsche a perdu l'esprit parce que... Non. Il a perdu la raison. On ne perd pas l'esprit. Il a perdu la raison. Mais il a perdu la raison parce qu'il possédait encore trop de mémoriel. Mais il avait un esprit puissant. Donc son esprit puissant, cette troisième activité, qui finalement pouvait traverser toute la brume de la conscience judéo-chrétienne, effectivement devenir pour lui, en tant qu'ego, en tant qu'homme raisonnable, en tant qu'homme intuitif, un très grand foi. Le problème, c'est que, aussitôt que l'homme fait face au vide, le vide, ce n'est pas ce que les gens pensent. Le vide philosophique, le grand vide néantique, ce grand vide caverneux, ce grand vide haineux, c'est une illusion. Parce que lorsque nous parlons du vide, nous parlons d'un vide conceptualisé. Le vide, ce n'est pas conceptualisable. Le vide, c'est le plein. Donc dans le vide, il n'y a jamais... Dans le vide, il y a toujours le plein. Mais là où le vide devient haineux, devient rempli du angst germanique, là où le vide devient rempli de cette terreur, c'est là où l'ego est obligé de supporter l'infinité astrale de cette conscience-là. Et c'est là que ces hommes, ces grands hommes tels que Nietzsche, deviennent malades. Parce que pour supporter le vide... Pour être bien dans le vide, il faut ne pas pouvoir penser au vide. Il faut ne pas pouvoir utiliser des pensées ou une matière mentale qui est inférieure à la matière créative. Exemple. Prenons le vide et Dieu. Moi, je vous demande, où commence la réalité? Qu'est-ce que la réalité? Bon, alors je ne vais pas vous demander à vous parce que ça va être trop long. Mais je pourrais vous répondre de façon très courte quand même. Oui, mais je me le demande. Ok. Bon, je me le demande et je me le réponds. Je n'ai jamais signé à servir par soi-même. Si, puisque nous sommes arrivés au 20e siècle, nous avons une conscience de l'énergie. Oui? Bon. Nous, les hommes, pendant l'évolution, nous avions besoin, pour donner conscience à notre être-té, d'une finalité absolue, parce qu'il y avait devant nos yeux un ordre infini. Donc nous étions obligés, en tant qu'hommes pensants et possédants de l'émotivité, d'attribuer à l'organisation cosmique qui était devant nos yeux, et qui était intérieure à nous astralement, une suffisance, une autosuffisance, mais une autosuffisance qui ne dépendait pas de l'homme, mais qui dépendait d'elle-même. Cette autosuffisance, nous lui avons donné un nom, plus tard, au cours de l'évolution, nous l'avons appelé Dieu. Lorsque nous avons donné à cette autosuffisance le terme de Dieu, nous sommes devenus psychologiquement dépendants de lui à cause du besoin émotif de lier notre personne avec une infinité parce que nous avions peur de la mort. Nous avions peur de la désintégration, nous avions peur du néant absolu. Donc, afin de nous donner quelque chose au-delà de la mort que nous ne connaissions pas, afin de nous donner quelque chose à l'intérieur de ce néant absolu qui était l'expression extérieure de nos sens, nous étions obligés de former une filiale avec un personnage mythique quelconque, mais qui possédait des attributs dits absolus que nous lui donnions. Mais qu'est-ce que veut dire absolu? Le concept de l'absolu, c'est un concept humain, c'est un concept qui définit la réalité en fonction de son infinité pour reprendre envers elle-même toutes les capacités créatives de son potentiel original. Mais l'homme, lui, dans son évolution, au fur et à mesure qu'il a évolué, qu'il a évolué, qu'il a évolué, et maintenant qu'il arrive à la fin du XXe siècle, il est capable de créer, non pas des concepts, mais il est capable de créer des armées de mots pour détruire les concepts qui sont des généraux. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, il est inévitable que nous sommes capables de créer des armées de mots, ce que j'appelle la parole, pour détruire les généraux qui sont les concepts. Dieu est le grand général, le grand vide, c'est l'autre général, et les forces musulmanes, ici nous rentrons dans leur culte et le ferons, ça ne finit pas. Donc, l'homme doit commencer, à la fin du XXe siècle, à reprendre le contrôle de l'armée. Reprendre le contrôle de l'armée veut dire tuer les généraux et créer une révolution. Il crée une révolution en réorganisant sa façon de penser qui avait été originellement établie par les généraux. Donc à ce moment-là, il se crée dans l'homme une effervescence évolutive qui est tellement puissante qu'à un certain moment, l'homme perd la crainte d'être seul devant le général conceptualisé. Donc l'homme perd la crainte d'être face à face avec un concept universel absolu qu'on appelle Dieu. Et lorsque l'homme a passé ce stage, il s'aperçoit qu'il est très bien sans Dieu. Alors? Il s'aperçoit qu'il est très bien sans le concept philosophique, métaphysique du vide. Pourquoi il est très bien? Parce qu'il est en contact avec cette partie de l'énergie que nous, auparavant, nous appelions Dieu, et qui est partiellement formulée dans une entité psychique, qui est l'homme sur un autre plan, ce qu'on appelle le moi réel. Et c'est de l'énergie, le cerveau éthérique c'est de l'énergie, tous les hommes ont de l'énergie, il existe de l'énergie dans le monde. Mais ça va plus loin que ça. L'énergie, nous parlons d'énergie, l'énergie, elle commence où? L'énergie, elle commence dans la question qui la pose. Si nous n'avions pas de question d'où commence l'énergie, nous n'aurions pas le problème de résoudre son origine. Donc nous nous emmerdons avec nos propres questions. Vous comprenez? Bon, donc à ce moment-là, il n'y a pas de question d'énergie. Maintenant, nous pouvons expliquer l'énergie, parce qu'un homme qui n'a plus besoin de demander de questions, il est capable de répondre à toutes les questions. Hein? Alors, il n'y a pas de question d'où commence l'énergie. Donc, l'homme dit, l'énergie, elle ne commence pas parce que commencer, c'est un mot qui fait partie des généraux. Vous comprenez? Nous avons besoin émotivement de commencement. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres qui, sur le plan humain, avons de la finalité. Nous avons une finalité corporelle et nous avons une finalité astrale. Mais nous n'avons pas de finalité éthérique. Donc, là où l'homme est capable de convertir la question métaphysique, occulte, psychique, originale, cosmogénétique, là où l'homme a le pouvoir de convertir la question, c'est à partir de son troisième cerveau, et c'est à partir du moment où il réalise que toute formulation mentale est une forme d'énergie. Donc, si toute forme d'énergie est une pensée, et que toute pensée est une forme d'énergie, l'homme est capable, étant énergie, de la déformer pour reconstruire un nouveau tableau de l'évolution, pour reconstruire un tableau qui est moins paternaliste, pour reconstruire un tableau qui est à la hauteur de la science. Pas de la science, de la science. Et cette science, elle est cosmique, elle fait partie du mouvement éternel de l'énergie du cerveau éthérique de l'homme, elle est contiguë avec tous les cerveaux éthériques de tous les hommes sur la Terre, elle est contiguë avec tous les cerveaux éthériques de tous les hommes sur les autres planètes. Autrement dit, cette science, elle fait partie de ce que nous appelons la hiérarchie clinale du soleil noir. Et dans cette masse d'énergie qui est le centre même qui soutient toute notre galaxie, il y a suffisamment d'intelligence pour que nous ne nous cassions pas les pieds avec des stupidités. Est-ce que ce soleil noir, est-ce que c'est de là que provient ce qu'on appelle l'ordre des Melchisédek? L'ordre des Melchisédek vient du soleil noir. Les Melchisédek sont ces êtres qui font partie de l'organisation systémique du soleil noir. Ce sont des êtres qui sont suffisamment énergie. Il y a des mots en anglais qui s'expriment mieux. Nous ne devrions pas parler d'intelligence ou d'intellect. Ce sont des formes bâtardes de la réalité. Nous devrions parler d'énergie intelligente, d'intelligence de l'énergie. De l'énergie, aussitôt que c'est en mouvement, ça devient de la créativité, donc ça devient de la perfection, donc ça devient de l'évolution, donc ça devient de l'intelligence, donc ça devient de l'organisation, donc ça devient de la réorganisation, d'où le mouvement de destruction et de création. Autrement dit, à partir du moment dans le cosmos où l'énergie est en mouvement, il y a de l'intelligence énergie, donc il y a de la création, éventuellement il y a des hiérarchies, éventuellement il y a des êtres de lumière qui se forment, éventuellement il y a des êtres de lumière qui composent, éventuellement il y a des êtres de lumière qui créent des formes pensées, éventuellement il y a des êtres de lumière qui reçoivent ces formes pensées. Ce sont les hommes, mais la lumière est cachée à leurs yeux, donc ils vivent l'évolution, un jour ils retrouveront l'évolution, ils deviendront ces mêmes êtres de lumière qui au début ont créé avec l'énergie les formes nécessaires à la création. Donc, la création, elle a été créée par l'homme, mais sur des plans tellement élevés que l'homme a donné à ces plans le nom d'ange, le nom d'archange, le nom de ci, le nom de seigneur et le nom de ci. Donc, l'homme a perdu son identité cosmique et il est devenu une petite bébé. C'est la chute. Ensuite vient le nouveau temps. Nous savons qu'il y a depuis quelques années des mouvements d'OVNI sur notre planète, en Russie, aux États-Unis, en France, tout partout dans le monde. Les Russes ont été obligés même d'officiellement créer et de dire au monde qu'ils formaient un institut de recherche sur les OVNI. Donc les OVNI, pour les gens qui sont suffisamment près des services techniques, les militaires et paramilitaires, les OVNI sont un fait de la vie. Bon. Et ces types, monsieur, ils partent de quelque part là-bas, ils s'en viennent ici, et ils repartent, ils dématérialisent, ils font ce qu'ils veulent avec notre aviation, ils font ce qu'ils veulent avec notre esprit. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes intégrés, parce que ce sont des hommes énergie, parce qu'ils ont une intelligence énergie. Autrement dit, il y a toute une hiérarchie, et ces êtres vivent sur des temps parallèles, ils vivent dans des mondes où la longueur d'onde n'est même pas la même que la nôtre, donc nous ne pouvons pas même pas les voir. Donc nous devons nous habituer à perdre la mauvaise habitude de penser en tant qu'homme, pour commencer à penser en tant qu'homme. Mais aussitôt que l'homme commence à sortir de son être, de son néant plein, ou de son vide, ou de son plein néantique, à partir, comme il l'a fait, à partir du moment où l'homme commence à faire ceci, il a besoin d'être très très sûr, très solide, très enraciné dans sa lumière. Sinon, il craque, c'est ce qui est arrivé, ce beau bras. Tandis que lorsque l'homme est arrivé dans une voie de fusion, lorsque l'homme est suffisamment près de cette énergie, qu'il est suffisamment intégré avec elle, il ne peut plus craquer. Qui va me faire craquer, moi? Je suis plus craquard. Vous comprenez? Plus testable, détestable. Je ne peux plus craquer parce que j'ai mis de côté les généraux. Je connais d'où vient la pensée. Je connais l'intuition. Je connais le rationnel. Et je connais l'autre partie de moi avec laquelle je converse de temps à autre du moment qu'il ne me casse pas les pieds. Donc à ce moment-là, moi je suis toujours bien. Donc je ne peux pas craquer. Je suis dans mon identité. Et l'homme en arrivera un jour à être dans son identité. Mais il y a un prix. Et le prix à payer, effectivement, c'est de réaliser que ce n'est pas le passé qui va servir l'homme de demain, c'est le présent. Ce ne sont pas les grandes traditions ésotériques et occultes qui vont amener l'homme à l'immortalité, qui vont amener l'homme au stage surhomme. C'est l'homme lui-même qui va s'amener là. Ses anciennes théories, ses anciennes écoles, ses anciennes connaissances faisaient partie de l'évolution. Elles étaient nécessaires pour maintenir sur la Terre la domination du monde astral. Et il n'y a aucune ésotérique école ésotérique dans le monde. Ni du Tibet, ni des Indes, ni de l'Afrique, ni d'Amérique du Sud, ni du Mato Grosso. Il n'y a aucune école ésotérique dans le monde qui n'est pas contrôlée par une entité en astral. C'est du temps. Moi, je connais, moi, j'ai un de mes grands ennemis dans cette province, que peut-être certains parmi vous connaissent. Je l'appelle, comment il s'appelle? Guy Croteau. Un homme que j'admire beaucoup parce qu'il est fort. Il est fort, vous savez pourquoi il est fort? Pas parce qu'il a des gros muscles, mais il est fort parce qu'il est assis sur une partie de lui-même. Et un jour, cet homme que je considère merveilleux parce que c'est un grand pur, c'est un homme qui est pur, un jour je lui ai dit, il est venu à moi dans un séminaire et je lui ai dit, il y a une autre chose, une chose. Parce qu'il s'attachait à une femme très puissante, très belle femme, le monde astral, très beau. J'ai dit, bon, on a une true upstairs. Mais il s'attachait et je lui ai dit, ça, c'est une femme. Et quand il a compris, et ça lui a pris 15 secondes, je m'attendais à ce qu'il me foute un coup de poing dans le nom, mais ça lui a pris 15 secondes, il a compris. Et à partir du moment où il a compris ceci, il a compris le reste. Cet homme n'avait plus besoin de moi. Il n'avait que besoin de lui-même. Donc, nous devons comprendre, et je vous le souhaite. Je vous invite. À vous qui êtes ésotérique, marginal dans la pensée, qui recherchez, je vous souhaite un jour, que ce soit dans 10 ans ou dans 15 ans ou dans 20 ans, c'est sans importance, je vous souhaite un jour de savoir. Je vous souhaite un jour de savoir qu'est-ce que c'est savoir. Et je vous dis que savoir, c'est la chose la plus facile au monde. Dans le savoir, il n'y a pas de questions, il n'y a que des réponses. Dans le savoir, il n'y a pas de psychologie, il n'y a que de la créativité. Dans le savoir, il n'y a pas d'intuition, il n'y a que de la créativité. Et le savoir transperce tous les clans de la conscience humaine de l'évolution et permet à l'homme nouveau d'être parfaitement libre, capable d'égaliser avec les hommes, capable d'être respectueux des hommes, capable de se bien comporter avec les hommes puisqu'il fait partie d'une conscience collective, mais incapable de perdre sa conscience individualisée, incapable de perdre son identité. Et ce que recherchent les hommes à partir de Socrate, ce que recherchent les hommes, se connaître soi-même, ça commence là où nous croyons que ça avait arrêté. Les initiés disent, ah, oh, qu'on n'est pas des initiés, il y a des initiés, des initiés, des initiés. C'est facile de se donner des titres. Quand on dit tous les routes mènent à Rome, tous les routes mènent à Rome. Et ce que l'on n'a jamais su, c'est qu'à Rome, il y a un gros party. Puis le party, il est totalement contrôlé par l'astral. Donc, rendu à Rome, le bonhomme, il est obligé de sortir du party et prendre un chemin que personne ne connaît. Et ce chemin, c'est son propre chemin. Ça fait tout ça. Alors, l'aube de l'intelligence, c'est le crépuscule des dieux. Ah! Revenons à Hitler pour expliquer ce qu'il dit. Imaginez-vous Hitler, durant ses jeunes années, il appartient à une société secrète en Europe. Et comme Hitler avait effectivement un destin très très occulte, il se lie d'amitié avec certaines personnes qui vont en Orient chercher de l'information. Autrement dit, Hitler se plonge pendant ses jeunes années dans une forme très particulière d'ésotérisme ou d'occultisme. Lorsque nous parlons aujourd'hui, à la fin du XXe siècle, de l'évolution d'une nouvelle race racine, de l'émergence du surhomme sur la Terre, c'est pas neuf. C'est pas Bernard de Montréal qui en a parlé de ceci. Ça, c'est vieux comme la Terre. Et ses connaissances étaient dans l'Orient. Ses connaissances étaient aussi un peu dans l'Occident, mais elles étaient dans l'Orient. Et l'Orient, dans les années 30, dans les années 20, avait beaucoup plus d'autorité qu'aujourd'hui. Et lorsque ce cher Hitler, qui est connecté comme un duo à l'astral, apprend qu'il peut former une nouvelle race, il a formé sa race. La race germanique, la race aryenne, l'évolution du monde, le contrôle du monde pendant 1000 années et ainsi de suite. Autrement dit, Hitler, c'était un initié des forces noires qui s'est fait enculer. Mais malheureusement, il a enculé tout le monde. Donc, je parle de ceci simplement pour vous faire comprendre que l'homme qui sait, ne peut pas se fier, ne peut pas croire quoi que ce soit. Il doit savoir. Et c'est le fait de savoir qui fait que lui, rendu à Rome, il est obligé de sortir du cercle de Rome pour s'en aller lui-même sur sa propre route. C'est pour ça que l'initiation solaire, c'est une initiation qui est totalement personnelle. Ceux qui pourront la vivre, qu'ils soient noirs, jaunes, blancs, roses, ils la vivront parce que déjà ils sont marqués pour cette vie, pour cette expérience, qui est ultime, et qui naturellement créera une nouvelle race racine sur la Terre. Mais le point que je fais, le point central de toute cette instruction, c'est que l'homme doit un jour comprendre qu'à partir du moment où on vous demande de croire quelque chose, vous êtes dominé. C'est anti-ordre. Si vous me dites quelque chose, vous, qui est réel, je vais le savoir, je dis oui, effectivement, c'est ça. Je n'ai pas besoin de croire. Croire, c'est une attitude, c'est malsain. C'est de la domination, c'est de l'idéologie, c'est dangereux, c'est anti-homme. Nous ne sommes pas des idiots. Si on nous dit quelque chose qui a du bon sens, on le sait, ça va. Nous n'avons pas besoin de croire. Et le danger de l'humanité, il est à ce stage. Et c'est ce que les hommes ont fait depuis des millénaires, parce que l'homme qui possède un cerveau, qui une conscience qui est polarisée entre un cerveau droit et un cerveau gauche, qu'est-ce qu'il veut dans la vie? Il veut croire. Pourquoi? Parce qu'il veut être dans la vérité. Donc, croire nous mène à la recherche de la vérité, et nous ne savons pas que la vérité n'existe pas. Elle est simplement l'envers d'un mensonge qui est beaucoup trop vaste pour nos petits esprits, donc qui englobe l'homme pendant des millénaires. L'homme doit avoir un centre de vérité. Et le centre de vérité, c'est l'équilibre entre sa conscience supérieure, son intuition, son intellect. Et à ce moment-là, il est dans son identité. Il est universel. Il peut parler avec n'importe qui, sur n'importe quelle planète, n'importe quel plan, dans n'importe quel temps. Merci beaucoup, Bernard de Montréal. Rendez-vous au mois prochain, ici même.